Salut à vous, auditeurs, auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Vous nous suivez également sur le web ainsi que sur Radio Orange. Un bonjour à nos amis Facebook, on les oublie pas. Nous sommes jeudi 17 mars, il est 17h30. Voilà. Nous sommes dans les années bonheur avec Gilou et Lia. On vous accompagne en direct et en musique jusqu'à 18h30. Bonjour le Québec. Alors je ne sais plus quelle heure il est au Québec parce que en plus ils ont changé d'horaire et c'est un petit peu en avance pour nous. Alors j'ai un petit peu perdu le fil. Et puis donc voilà, je souhaite une belle journée et puis des bisous à ma petite équipe. Voilà, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne sont à l'écoute. Alors pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir en live dans nos studios une artiste, Maëva Gilot. De son nom d'artiste et de scène, Maë. Voilà. Un jeune talent, un beau talent de notre région. On est très content de l'avoir avec nous dans les studios. Dans quelques instants, on a un retour sur son univers musical, son parcours artistique et bien sûr la sortie du tout nouveau single, Oublié. Alors pour vos messages, c'est sur RGM et Gilles Mougel officiel. N'hésitez pas à laisser un petit message voilà, sur nos pages respectives Facebook. On transmettra bien sûr à notre invité en direct que je retrouve maintenant. Bonjour Maë. Bonjour. Ça va ? Ça va super, merci. Et ouais, vous ? Ça va bien, merci. Voilà, mais écoute, très content de t'avoir dans notre studio. Un plaisir partagé, un merci. Grand merci en tout cas pour votre normal, invitation. Voilà, c'est vrai qu'on avait vu avec l'IA. Qu'on avait vu. Oui, c'est un article de presse. Article de presse. Mais voilà. Tu m'as pas dit bonjour, donc j'ai. Je te rends. Excuse-moi pour le Qu'est-ce que je fais? Bonjour Lia. C'est l'habitude. Comment vas-tu Lia? Mais je vais bien, merci beaucoup. Mais oui, écoute, tu es un petit peu. Tu sais, depuis le début de cette semaine, on a eu mardi, on a un petit tu peu. Tu m'as trop vu, c'est samedi. Ça? Mais non, pas du tout. Mais non. Bon, allez, je vais me rattraper. On a un temps qui est pas très beau là. Alors je dis toujours, Lia, c'est mon rayon de soleil. Oh, c'est vrai, voilà. Alors, je suis désolé Lia, mais non, je t'oublie pas. Bonjour voilà. Maë, du coup. Oui, bonjour. On est content que tu sois avec nous aujourd'hui dans les studios. Et voilà ce que je disais donc avec Lia, on avait vu donc l'article et on s'est dit ben on va inviter Maë dans oui. notre émission okay. parce que voilà comme je disais dans mon intro jeune artiste belle artiste de talent donc on ne pouvait pas passer à côté, entendu bien sûr donc tu es la bienvenue dans nos studios voilà merci c'est alors gentil. on s'était vu la dernière fois c'était en novembre 2017. Ouais, c'est bien ça, hein. Voilà, le temps a passé, ouais. Là, ça file. C'est ça. Ça file, voilà. Voilà, c'était cool, c'était bien. Et donc on avait parlé un petit peu de ta carrière à l'époque déjà une belle carrière, de tes rencontres artistiques, de tes voyages aussi. Hein, c'est bien ça. Hein, tout à fait. Voilà. Alors on va pas revenir sur tout ça, enfin un petit peu quand même, mais je veux dire rapidement, la chanson c'est venu comment pour toi comment ça a commencé? Bah, c'est venu tout naturellement, je dirais que j'ai commencé à chanter avant de parler même. Ouais, c'est souvent. Donc ouais, je saurais pas trop comment l'expliquer, c'est très naturel, tout d'accord. simplement. Voilà, ouais. J'ai commencé vraiment à chanter, je dirais quand même à partir de 4 ans, mais sur scène à l'âge de 7 ans, 7-8 ans. et voilà. Ben c'est très bien, c'est bien. Puis c'est tout naturel comme ça. C'est vrai que ouais. Bon, du côté de la famille, il y avait pas de, il y a pas de personne qui était dans le domaine artistique. Alors non, pas du tout. À part mon parrain qui fait des animations. Ah, mais oui, c'est beaucoup plus basé, enfin il est DJ quoi. Oui, DJ, d'accord, ok. Ouais, ouais. Donc voilà, il chante un petit peu quand même, mais c'est vrai que non, je sais pas. C'est vrai que ma maman écoutait beaucoup, quand elle était enceinte de moi, écoutait beaucoup Mariah Carey. Ah d'accord, oui. Et à 2 ans, j'étais complètement fan de cet artiste. Mariah Carey, d'accord. Je pense que c'est un lien. Oui, sûrement, oui. Mais non, sinon, non. D'accord, ouais. Bon, on va faire un petit coucou peut-être à ton papa, oui. David. Hein, et je ne sais pas s'il soit à l'écoute. Et puis à ta maman, je pense. Ta maman qui est Cathy. Hein, c'est bien, c'est bien. C'est ça, exactement. Donc, on leur fait un petit bonsoir. Hein. Voilà. Alors... Donc tu as fait, oui, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure en aparté, tu as fait pas mal aussi tu es parti pas mal aussi à l'étranger. Oui. Voilà, tu peux nous en dire un petit mot de ces voyages là, de ces. Alors tout d'abord en fait j'avais fait un tremplin sur Paris, plus de talent, et j'ai été repérée par la directrice de ce festival sur scène. Donc du coup elle m'a donné ses contacts. Je l'ai recontacté. Et au départ, je pensais que c'était uniquement des scènes régionales. Sauf que je me suis rendu compte par la suite que non, c'était des opportunités, en fait, à l'étranger. Donc, j'ai accepté. Et au fil des années, je suis partie un petit peu partout. Un petit peu partout. Voilà. Je crois qu'il y avait les États-Unis. Alors, oui. Alors, le premier pays que j'ai fait... Donc, j'ai fait les Philippines. Les Philippines, ouais, d'accord. Et j'ai fait l'Allemagne, la Belgique. Mais la Belgique, c'était en groupe, par contre. Mais sinon, en solo, j'ai fait les Philippines, les États-Unis. Et Melbourne en Australie, exactement. Ah, ouais, déjà des beaux voyages quand même. Hein. C'est magnifique. Ouais, hein, c'est incroyable. Et puis bien sûr des scènes aussi dans la région. Oui. Puisque j'ai eu l'occasion, puis le plaisir de te voir, par exemple aux Nuits Américaines. Oui, tout à fait. C'est bien ça, hein, aux Nuits Américaines. Et là, tu avais fait une première partie, une première partie avec Jim Manson. Oui, Je me souviens bien de ça. Très beau souvenir. D'ailleurs, Jane Manson, je la connaissais déjà un petit peu d'avant, oui. Parce que je l'avais rencontrée dans le sud de la France. D'accord. C'était par rapport, je sais pas si vous savez, la tournée Route 83. Je sais pas si vous avez déjà. Oui, ça me parle un petit peu comme ça. Je vous en avais peut-être déjà un petit peu parlé. C'est possible. Et du coup, j'avais rencontré sur cette tournée. Je l'ai revue ici dans le secteur grâce à Hervé Poira. Oui. Et après, elle m'a proposé de faire un duo avec elle à l'église Notre-Dame en décembre. Ça, j'avais suivi. Voilà. C'est chouette, ça, c'est vrai. C'est une très belle personne. Ah oui, oui, je me trouve. On a eu. J'ai eu l'occasion de la voir en spectacle. Et puis, d'accord. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais on se répète un petit peu quand on est animateur. Par un ami qui est chanteur du côté de Nancy, Cyril Alexis, qui, en fait, Jim Manson, c'est sa marraine de scène. D'accord, oui. Cyril avait fait aussi une première partie. Enfin, il avait chanté aussi. Alors, je sais pas si c'était la même année. Je sais pas si elle est venue plusieurs fois. Je me souviens plus. Mais En fait, elle était venue l'été, si je me rappelle bien. Oui, elle était revenue en hiver pour l'église. Donc, ah, oui, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc on avait pu la voir dans sa loge. Oui. Voilà, elle était très très très sympathique. Voilà, c'est une belle artiste. Hein, c'est vrai que. C'est une femme rayonnante. Elle est positive. Sûr. Ouais. De belles rencontres. Il y a eu d'autres artistes que tu as rencontrés durant toutes ces scènes, là, comme ça. Oui, alors quand j'avais 11 ans, j'ai rencontré François Fellman au Casino de Bussan. Ah oui, d'accord. Okay. Et j'avais fait aussi un duo avec lui sur François Petit Fellman. Franck. Ah. Donc, ça nous rappelle les années 80. Exactement, ouais, c'était un super beau souvenir. Et d'ailleurs, j'avais repartagé cette vidéo. J'ai vu ça hier sur mes réseaux sociaux. Oui. Il y a un an. Et il m'avait répondu sur Instagram et tout. Ah ouais, d'accord. C'était trop cool. Je pense qu'il devait être sympa aussi. Oui, très très, très gentil. Ouais, très gentil. Ouais. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas, alors je reviens un tout petit peu en arrière, enfin je suis un peu flashback, mais on n'oublie pas The Voice Kid. Oui, bah, oui, quand même, il faut le dire. Ouais. Ah, c'est vrai, The Voice Kid. C'était aussi une expérience. Oui, c'était une superbe expérience. L'expérience aussi, je pense. Mon tout premier casting, déjà. Ouais. Mon tout premier casting télé. Ça a été une très, très belle expérience. Ça m'a aussi apporté un petit peu de visibilité, d'autres opportunités par la suite. Bien sûr, oui. Même spectacles. Si. Voilà, même si ils ne se sont pas retournés. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est une belle expérience. Oui, il faut être positif. Moi, je prends ça du côté positif. Oui, oui. Ça m'a apporté plein de choses. Puis il faut savoir aussi des fois accepter la défaite. C'est ce qui fait grandir. Ah, bien sûr. Donc, bien sûr, il faut rebondir là-dessus. Et puis oui, comme tu dis, ça fait exactement. Oui. Alors, Maëva, je te propose qu'on écoute un cover. Oui. On va bien sûr parler du single. Bien sûr. Du clip aussi. Forcément, mais on va regarder. Avec plaisir. On va regarder ça, pas pour la fin, mais on passera après pour le single, d'accord ? Très bien. Et là, on va écouter un cover déjà que tu m'avais envoyé. Oui. Donc, on écoute Imagine, interprété par Maëva. Il faut écouter, c'est très beau. D'entendre Imagine, interprété par toi, et puis sur une chanson de John Lennon, hein, c'est bien ça. Exact. Ah oui, c'est que je me disais, comme je te disais tout à l'heure en aparté, au niveau de ta voix, je sais pas, hein, après tu me diras si je me trompe, mais je trouve que ta voix, elle a peut-être mûri, je ne sais pas. Peut-être. Je pense ce que j'avais écouté d'avant, mais c'était très bien déjà, mais je veux dire là, je crois, c'est encore. Je sais pas, c'est. Je sais pas ce que Lia, tu. Mais tu en plus, quand on grandit, voilà, oui, la voix change. On perd un petit peu sa voix d'enfant, et voilà. Et puis le travail qui oui, est fait derrière, j'imagine que voilà, tu dois beaucoup travailler ta voix. Peut-être que tu prends des cours, on apprend d'autres techniques de chant, je sais pas. Oui, bah oui, c'est énorme. Enfin, c'est énormément de travail. Ça, je vais pas mentir. C'est pas. Je pense, c'est pas que avoir du talent. C'est aussi. Il faut beaucoup donner, quoi. Il faut beaucoup donner de sa personne. Donc voilà, et puis c'est vrai que je suis bien entourée du coup. Mais tu prends des cours du coup ? Alors non, je n'en prends plus. Je ne prends pas des cours de chant. Moi j'en ai pris 2-3 ans, mais c'était quand même il y a longtemps. Donc voilà. Puis vu qu'actuellement je suis en production, c'est vrai que je ne prends plus de cours de chant. Et voilà quoi. Je prends les conseils à droite à gauche. Mais t'as une voix exceptionnelle en tout cas, hein. Incroyable. Voilà. Bah, merci, merci beaucoup. C'est vrai, il faut le dire. Et puis voilà. Très grave comme ça, oui, très suave. Enfin, sur cette chanson-là, je trouve que voilà, c'est. On en entend rarement. Ouais. Merci. Alors, je voulais te demander aussi, Maïe, donc oui, alors on a parlé un petit peu, bon voilà, des scènes que tu as fait, des voyages. Et je veux dire, comment ça se passait, enfin. Au lycée, pour les études, enfin pendant les études, je veux dire, avec les. Quel regard avaient les copains, copines, voilà, du. Par rapport à, voilà, à ce que tu fais. Je pense qu'il y a des bons regards comme des plus mauvais. Il faut accepter, c'est la vie. Mm-hmm. Il y a eu des périodes qui n'étaient pas faciles. Au collège, je dirais, à partir de la quatrième, quand même, oui, c'était pas facile. Un peu de moquerie. Oui, bien sûr, il y a toujours des personnes. Des mots pas très très cool, quoi. Oui, mais après, oui. Ça fait grandir. Oui, bien, c'est ce qu'il sûr, faut, bien sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Et mais oui, ça n'a pas été facile. Oui, je me doute bien. Ouais. Non, puis après, il y a le talent qui est là, et puis les personnes qui sont médisantes, on va dire. Oui. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours, et je pense qu'il faut utiliser ça comme une force. Il faut en faire une force. Mmh, c'est bien. Mmh. Et voilà. Ah, bien sûr. Ouais. Je veux dire, pour t'avoir vu, je t'ai vu aussi sur scène, forcément, puisque voilà. Les premières parties, je veux dire, c'est. Je t'ai vu 2-3 fois, je pense. C'était à Épinal, hein, bien sûr. C'était. Je sais pas, il y avait donc avec Jim Manson. Oui, d'accord. Il y avait. Je sais pas, vous étiez pas plus sûr aussi à chanter quand il. C'était, je crois, en 2017, quand Johnny est décédé, il y avait un gars qui est venu chanter du Johnny. Tu étais présente, là, je crois, non ? Oui, c'était l'été. C'était l'été, oui, c'était encore à la nuit américaine. Oui, c'était encore à la nuit américaine, c'est ça. Et puis il y avait aussi, qui c'est qui était venu ? Il n'y avait pas Michael Jones ? Si, Michael Jones. C'était avec Michael Jones. Ah oui, Michael Jones aussi. Oui, c'était. Exactement. C'était bien, voilà, ouais. Je voulais pas dire de bêtises, mais. Non, c'est ça, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que, voilà, Maïe sur scène, c'est aussi quelque chose, il faut la voir. Oui, parce qu'il n'y a pas que la voix quand on est chanteur. Hein. Il y a aussi toute la présence scénique avec son corps et tout ça. Comment ça se travaille, toute cette chose-là ? Faut pas rester frustré devant son micro, à moins qu'on prenne un tabouret. Oui. Non, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est super important. Non, je sais pas, c'est vrai qu'avant, voilà, c'était vraiment naturel. Ouais, naturel, tout simplement. Je travaillais pas forcément ce côté-là, le côté visuel, j'ai jamais vraiment travaillé. Mais je pense qu'après, par la suite, ce sera aussi important de le retravailler, parce qu'avec l'expérience aussi. Donc voilà. Mais quand on fait des grandes scènes en Australie, etc., on y va comme ça, au talent ? Franchement, c'est ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, j'essaie de le faire de mon mieux. Mais pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi. On m'a pas préparé. Mais t'as pas eu la trouille ? Un petit peu quand même, un petit peu de stress. Mais je dirais que c'est plus de l'adrénaline. Quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont faits pour la scène, et puis il y a des autres. Oui, voilà. Bien sûr. Il y a les autres. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première scène ? La toute première fois que je suis montée sur scène, c'était à la fête de la musique à Épinal, avec mon parrain. Ah ouais ? Ouais, j'avais 7 ans, 7, 8 ans. Ouais, c'est ça, 7, 8 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Incroyable. Ouais. Donc voilà. Voilà, c'est bien, c'est vrai que Mais c'est vrai que quand on grandit en plus comme ça, en ayant déjà fait de la scène, on appréhende moins, du coup, parce que ça devient un petit peu pas routinier, mais ouais, on est un petit peu habitué. Il y a du stress quand même, Marie, quand tu vas faire une prestation, enfin que tu vas faire une première partie, ou je sais pas, que tu vas faire que tu vas monter sur scène, il y a un petit peu de stress quand même. Comme je disais, c'est de l'adrénaline, plus de l'adrénaline. Oui. Après, c'est vrai que non, je suis pas forcément très stressée, parce que justement, j'ai plus hâte. Oui. Je suis contente en fait de pouvoir partager ce moment avec les gens. Je dirais une fois que d'aller à la rencontre. Que c'est lancé, la musique est partie, ça y est. On est dedans, ouais. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire. C'est un sentiment inexplicable en tout cas. D'accord. Mais ouais, c'est des moments magiques, vraiment. Alors, il y a eu bien sûr le Covid, la pandémie, donc qui a tout arrêté. Tous les artistes. Pour tout le monde. Ouais. Voilà. Nous aussi, pour nous. Voilà. Qui aiment bien aller voir des concerts, etc. Voilà, plus tout terminé. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, tu as tes études. Oui. On est bien, t'as des études et puis la musique, d'accord. Mais je veux dire, est-ce que tu as pu travailler quelque chose pendant le Covid, profiter en fait de cet aspect, je veux dire, voilà, on pouvait plus rien faire, on pouvait pas sortir, est-ce que tu as un peu travaillé Alors, c'est vrai que le Covid, les premiers mois, ça a été un petit peu compliqué. Oui. Pour le moral, tout ça, c'était pas très très cool. Mmh. Parce que bon, la scène me manquait, aller à la rencontre des gens, tout ça. Bien sûr. Après, je dirais que par la suite, elle a été plutôt bénéfique. Pour moi, je parle pas, je parle juste de mon évolution. Je dirais qu'il a été plutôt bénéfique pour moi, parce qu'il m'a permis un petit peu de prendre du temps pour moi, de savoir ce que je voulais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais vraiment avancer artistiquement. Oui. Mmh. Et que je voulais avoir mes propres chansons. D'accord. Mmh. Tout simplement. Me développer un peu plus musicalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont mis à profit, on va dire, ce côté où tout était arrêté, tout était pour travailler, quoi. C'est vrai que le côté créatif, oui. Là, tu te souviens qu'on a reçu quand même pas mal d'artistes, c'est vrai, qui avaient bossé pendant le Covid et puis qui sortaient leur album, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal C'était une véritable introspection, cette période là où on se retrouvait un peu replié sur nous-mêmes, avec sa famille ou seul, et à un moment donné on veut avancer, donc forcément on se pose des vraies questions sur notre vie, et c'est à ce moment là période-là qu'on se rend compte de ce qu'on veut vraiment faire. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, j'avais pas eu de proposition encore artistique pendant le confinement. Donc, je faisais plus quelques petites covers de temps en temps. Tu faisais des lives, par exemple? Parce qu'il y en a beaucoup des artistes qui ont fait des lives. J'en ai fait qu'un. Facebook. je m'étais dit, tu feras plusieurs lives, t'en feras un par semaine. J'en ai fait qu'un. Je me suis pas tenue. Ouais. Oui, ça doit être beaucoup de travail. J'ai encore un peu de mal, j'avoue, avec les lives. Pourtant, c'est de ma génération. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal encore avec ça, mais ça, c'est quelque chose de chouette. Après, en vrai. C'est vrai que on est devant la caméra. Je sais pas. Bon, c'est vrai qu'il y a personne en face. Oui. Il y a plusieurs artistes qui nous ont dit ça. Oui. Il y en a beaucoup qui ont fait des lives Facebook. Puis bon, il y a personne en face, donc c'est peut-être pas évident. Ça faisait un petit peu la chambre noire de Nova, quoi. Oui. Tu connais Nova? Radio Nova? Non, ça me dit rien. Ils ont un programme qui s'appelle La Chambre Noire, et l'artiste est seul dans le studio, et il est complètement seul face à lui-même et sa musique. Et ça me fait penser à ça, ces lives. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Particulier. Moi, c'est vrai que plutôt que d'être devant le public, et c'est bon. Mais comme ça, tout seul devant la caméra, je sais pas. Après. Moi, c'est vrai que je trouve ça un peu plus stressant, en tout cas, que sur scène. Et il y a des personnes qui me disent, mais c'est étrange, pourquoi t'es un peu plus stressée devant la caméra que devant 10 000 personnes, ou je sais pas. Et je pense tout simplement que Ouais, ça s'explique pas. Mais c'est vrai que devant un écran, c'est étrange quand même. Oui, c'est étrange. J'ai l'impression d'être un peu seul au monde. Alors qu'en fait, non, il y a des gens qui t'écoutent, mais oui, tu les vois pas. Eux, ils te voient, mais pas toi. C'est ça qui est étrange, je crois. Hein. C'est que tu es regardé, mais en fait, tu ne sais pas qui te regarde. Voilà. Ça fait un peu voyeur. C'est ça. Puis après, bon, il y a quand même des petits coms. Enfin, je sais pas, moi, j'ai regardé un ou deux live Facebook de un ou deux artistes que je connaissais, quoi. Bon. Mais bon, après, on peut. Y a oui. Puis maintenant, on peut faire les lives à plusieurs. Donc ça, c'est cool aussi. D'accord, ouais. De pouvoir échanger avec d'autres. Oui, avec d'autres artistes, par exemple. Donc ça, c'est quand même. D'accord, tu te sens un peu moins seul. Oui, c'est sûr. Oui, c'est bien. Donc voilà. Donc tu as mis au profit cette période-là, donc pour écrire, pour écrire des textes. Oui. Pour écrire des textes, voilà. J'écrivais un petit peu. Oui. Mais pour moi. D'accord. C'était pas pour l'EP, en tout cas. Oui. Mais j'écrivais un petit peu, tout à fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et l'écriture, comment je veux dire, ça t'est venu aussi comme ça, naturellement. Il y a un moment, tu t'es dit, il faut que j'écrive ou. Bah, en vrai, l'écriture a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé écrire, même petite. D'accord. Bon, peut-être pas quand même, je pense, je dirais vers 10, à partir de 10-11 ans. Oui. J'écrivais un petit peu, mais personne ne le savait. Même mes parents, personne ne savait que j'écrivais. Ah. D'accord. Mais c'était des petits textes que 5 jours plus tard, je n'y retrouvais plus. Je ne sais pas trop ce que j'en faisais, mais. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est bien quand même, c'est bien. Non, j'ai toujours aimé. Ça me permettait d'extérioriser, en tout cas. La musique et l'écriture, ça m'a toujours permis d'extérioriser. D'accord. Est-ce que tu joues d'un instrument est-ce que tu... Alors, non, je ne dirais pas que je joue d'un instrument, mais un petit peu à l'oreille, je pense, piano. Mais c'est pas jouer d'un instrument, quoi. Oui, d'accord, ok. Donc, non. Mm-hmm. En tout cas, je ne me suis encore jamais accompagnée d'un instrument sur scène. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui... D'ailleurs, il faudrait que je travaille, je pense. Ouais. Super important. C'est bien. Alors, ça, c'est... Donc, tu as écrit 4 textes qui seront prochainement, bien sûr, on va parler du single, mais qui seront prochainement sur un EP, par exemple. Oui, tout à fait. Tu as envie de faire un EP. Exactement. En fait, j'ai été repérée par Brice Conrad, un artiste incroyable. Un artiste incroyable. Ah oui. Et une personne incroyable. mais oui, Brice Conrad, c'est un artiste qui a percé en 2013 avec son titre Hola, qu'on a entendu des jours et des jours à la radio. On l'a entendu. Et il m'a repéré, je dirais, fin décembre. Ouais, c'était pendant les fêtes. Du coup, en 2020. Oui, ça, en 2020. Et il m'a envoyé un message. Il m'a demandé si j'avais des projets en cours. Je lui ai dit que non, c'était plutôt calme. Et c'est là qu'on a échangé et qu'il m'a proposé un EP. Oui. Donc voilà, je suis produite par Brice. Oui. Et voilà. D'accord. C'est Lyon Productions. Ça, c'est très bien. C'est un petit peu la continuité. Je me souviens quand tu étais venue, donc en 2017, je t'avais posé la question. Est-ce que tu penses un jour enregistrer un EP ou un CD? Et tu m'avais répondu que finalement, à cette époque, tu n'avais pas tout à fait trouvé ton univers, musical, et que tu attendais. Est-ce que tu as eu raison? Enfin, je pense que voilà, tu as bien géré ce parcours, enfin cette carrière là. Et... Exactement. Non, je dirais que en tout cas, j'ai trouvé mon univers. Après, c'est pas un style bien précis, c'est ça aussi qui est cool. Créer son univers, c'est pas forcément basé que sur un style. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je m'éclate d'ailleurs en studio, parce qu'en fait, on trouve plein d'idées, on peut très bien faire de la pop ou un peu de soul. Et comment ça se passe alors? Tu le rencontres de temps en temps? Tu travailles avec lui à distance? Vous faites quoi? Alors, on travaille en studio chez lui à Strasbourg. Et on enregistre, les enregistrements finaux, se font à Paris. D'accord. C'est un super studio, c'est Twin Music. Ok. C'est Studio Twin Music, où il y a des très grandes personnalités qui sont venues d'ailleurs. Il y a eu Céline Dion. Ah oui. Ah oui. Il y a Rihanna aussi qui est passée. Enfin voilà, c'est incroyable. Des grandes pointures quand même. Donc voilà, c'est vrai que c'est des superbes opportunités. Et ouais, non, voilà, j'enregistre entre Strasbourg et Paris. Et à la maison, à distance, dès qu'il a des idées, il m'envoie par mail. Puis moi, bah, j'écris. Et puis voilà, c'est parti. Et comment tu décrirais ton univers, en fait? Parce que tu te dis que t'as pas un style musical bien précis. Alors, comment tu décrirais ta musique? Bah, en fait, je pars du principe que j'ai seulement 20 ans et que j'ai encore plein de choses à découvrir, que je peux pas m'arrêter à un style. Surtout, dans ce milieu, je pense que c'est important de se remettre tout le temps en question. Et j'espère que j'aurai toujours, en tout cas, cette pensée plus tard, en fait. Après mon EP, pourquoi pas après un album. Mais non, je pense que c'est important de se remettre tout le temps en question, d'essayer plein de choses, parce que c'est pour ça, en fait, j'aime la musique, parce qu'en fait, elle est riche, elle est enfin, voilà, quoi, tout simplement. Mais je sais pas, je pourrais pas vraiment vous dire comment je décris mon univers, c'est tout simplement moi. Et voilà. Tu vas chanter en anglais, en français? En français. Ok. En français, ouais. C'est bien. Super. Non, ce que je voulais rajouter, je veux dire que Maëlle, c'est une belle artiste. Et depuis que je la connais, je veux dire, tu as toujours bien géré ta carrière, etc. Tu ne te précipites pas, par rapport à ce que tu réponds à l'IA, tout ça, tu as toujours bien géré ta carrière, tu ne te précipites pas. Voilà, c'est bien ça. Oui, en fait, oui, on va dire que je suis assez réfléchie. Mm-hmm. C'est une qualité que j'ai. Mais des fois, ça peut être un petit défaut. Parce que je suis aussi trop perfectionniste et trop. Donc, du coup, des fois, c'est un peu un défaut. Parce que je pense que c'est un milieu, en fait, c'est de l'art. Donc, il faut savoir aussi un petit peu lâcher prise, faire part un peu plus de sa créativité et laisser parler ses émotions. Et quand on est trop dans le contrôle, des fois, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça va un petit peu mieux. J'ai fait un travail là-dessus. Tu manques de spontanéité, tu veux dire? Ouais, que tu voudrais, voilà, être plus. Exactement. Ouais. Après, mais ça va un petit peu mieux. Ça va un peu mieux quand même. Ouais, il faut prendre de la confiance, un peu d'assurance. Oui, c'est avec l'expérience. Ouais, voilà. Bien sûr, c'est. Donc, voilà. C'est vrai que quand on se retrouve dans le studio de Rihanna ou de Céline Dion, on réfléchit, je pense. Ah oui, oui. La première fois qu'il m'a dit ça, je l'ai regardé, j'ai fait un. Ah oui, c'est bien. Et tu réalises quand même tout ce que tu vis ou ça sera plus tard que tu te rendras compte de tout ça, parce que c'est incroyable ce que tu nous dis. Je sais pas si je réalise vraiment. Je pense que voilà, je vis des moments au jour le jour. Et voilà, je profite à fond et je me pose pas de questions, je fonce. Et c'est ce qu'il faut faire. Surtout après la période qu'on vient de vivre, c'est là qu'on se rend compte comme quoi il faut vivre chaque moment à fond. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Ouais. T'as toujours su que tu voudrais faire un jour chanteuse ou... Ouais, je pense. Je pense que c'est en moi, c'est comme ça s'explique pas. Après, jusqu'à dire, j'espère en tout cas pouvoir faire une carrière dans ce milieu, c'est très compliqué. C'est compliqué de s'imposer bien. Et dire salut, je veux faire mes chansons, laisse-moi une place. C'est un milieu très, très fermé, hein, très. Ouais. Voilà, on se rend pas compte, mais. En fait, c'est un milieu merveilleux parce que c'est la passion. Mais ça peut être aussi dangereux, donc il faut, soit on a une bonne étoile ou pas. Et... Il faut rester sérieux. Une chance aussi, bien sûr, il faut un petit peu de chance ouais. Hein, aussi. Bien un sûr, peu de chance, pense. Tout ouais, à fait. Ouais. Et je veux dire, comment tu gères alors entre la partie études et la partie artistique? Alors oui, moi j'ai décidé de continuer les études. Oui, donc après le bac, je me suis dit on va faire un BTS. Mmh. Donc actuellement, je suis en BTS tourisme. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie d'aller dans le tourisme, c'est la musique. Oui. Parce que c'est d'avoir voyagé un petit peu partout. Je me suis fait des amis à l'étranger, etc. Donc du coup, je me suis dit c'est trop chouette et j'ai envie d'aller dans ces études. Donc voilà, je suis en BTS tourisme. Je fais des cours à la maison. Oui. Donc voilà. D'accord. Oui, donc ça va pas être facile, ça. Non, c'est pas facile. Au départ, je faisais mes cours en alternance et j'ai décidé de rompre mon contrat. C'était un choix bien réfléchi. Ah bah oui, du coup. Et on te fait confiance pour ça. Exactement. Et c'est tombé en fait pendant le début du confinement. Donc vraiment. Bon moment, quoi. Oui. Donc voilà, après j'ai trouvé cette école à distance et j'ai commencé pendant le confinement. Donc je me suis pas plus que ça ennuyée en fait, parce que je pouvais faire les cours à la maison. D'accord. Donc j'ai commencé en avril. Donc mars, on était confinés en mars. Le 16 mars, 14. C'est ça. Oui, c'était, oui. Voilà. Donc, c'était il y a un an aujourd'hui, non, je crois. Avant-hier, je crois. C'était lundi, avant-hier. Je crois. Ah oui, non d'accord. Avant-hier. Ça faisait un an cette semaine. D'accord. Voilà, alors bah, je te propose, Maë, puis, on va écouter une autre de ton cover. Je vais y arriver. Toi, je fais deux émissions dans la semaine, moi, ça y est, c'est fini. Donc, une très belle chanson de Francis Cabrel, interprétée par Maë. Maë, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Bah, voilà, let's go. Je fais pas de déclaration, lui. Fallait que j'en fasse. Un enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défait, comme un printemps sur mon trajet. Entièrement tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire mon repère secret. Mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime, je t'aime. Voilà, Maë sur les ondes de Radio Guémozo en cette fin de journée dans les années bonheur. Alors on vient d'écouter donc Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, de chanson de Francis Cabrel. Ça, c'est des chansons que tu aimes bien sûr, je pense, puisque tu interprètes ça. Bien sûr. Ouais, c'est ton univers aussi. Est-ce que tu as été bercé par un ou deux chanteurs, enfin, je sais pas, par des artistes qui t'ont un petit peu, j'irais pas influencé, mais... Alors, je dirais, en tout cas, je parlais de Mariah Carey, vraiment la soul. Ah oui. Et je dirais aussi, c'était la période de la Star Academy. Oui. Avec Grégory Lemarchal, et j'étais trop fan de Grégory Lemarchal. Ah oui, c'est bref, c'était l'époque des MP3 là. J'écoutais à fond. Les 16 d'intérieur en détresse. Oui, chanter ça avec le smile, alors que c'est une chanson ultra déprimante. Oui, mais j'adorais Grégory Lemarchal. Un bel artiste, Grégory Lemarchal. Ouais. Je pense que c'est. Malheureusement, s'il n'a pas été malade, enfin, il n'avait pas cette maladie, la mucoviscidose. Oui, c'est ça. Je pense qu'il aurait fait une belle carrière. Ah oui, il aurait fait une grande carrière, c'est sûr. Voilà, donc ces artistes-là. Donc oui, tu parlais de Mariah Carey, c'est vrai, pour les chansons, parce que tu as aussi un petit peu interprété des chansons en anglais, si je me rappelle, bien sûr. Ouais. J'ai toujours été bercée vraiment dans la soul, mais j'aime aussi la variété, quoi. Ça a toujours été un petit mélange des deux. Donc voilà. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai décidé, de chanter, en tout cas, mes chansons en français. Oui. Parce que pour moi, c'est important. On crée une histoire. On raconte une histoire. Oui. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, pour moi, c'était en français, pour que les gens y comprennent, en tout cas, ce que je veux transmettre, ce que je veux dire. Et pour moi, voilà, c'était super important, rester... dans cette lignée. D'accord. Tu prévois de participer à The Voice tout court? Je comprends pas qu'il se soit pas retourné, moi, en fait. Je vais les appeler. T'es juré Ah non, pas sur celui-là, je vais pas faire partout. Pour le moment, ça fait pas partie de mes projets. Oui, il faut se concentrer. Mais pourquoi pas? En fait, je dis jamais non, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Et pourquoi pas, ça reste quand même une superbe expérience. Donc pourquoi pas The Voice, ou pourquoi pas même une autre opportunité télé. Bien sûr que c'est toujours une belle vitrine. Enfin, c'est vrai. Ça promet une grande carrière, ça. Voilà, bien sûr, tout à fait. Ah oui, c'est bien. Alors on va écouter le tout nouveau single. Et puis après, on parlera du clip que j'ai trouvé très beau. Moi, on en parle un petit peu après, d'accord? Très bien. Ok. Donc, on écoute donc le premier single, c'est bien ça, Maë? Le premier single, hein, Oublié. Et puis, on en reparle après. Ok? Ça marche. Les jours passent encore et encore, des larmes avec toi. Encore une fois, une dernière danse sans émoi, nos corps qui parlent sans s'arrêter. J'entends l'amour monter, tu m'écoutes ou pas? Une envie, c'est tout oublier. Je me sens moi que dans tes bras. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Tout oublier. Emmène-moi tout en haut. Ne m'emmène jamais tout en bas. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Tout oublier. Je ne sais comment les autres ont fait pour pas faiblir, pas tomber. La vie parfois donne froid. J'aimerais juste qu'on soit comme avant, plus de vent pour longtemps. Accrochez-nous à nos rêves. De la foule, du bruit, juste une trêve. Un océan de gens, le sourire aux lèvres. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Je me sens moi que dans tes bras. vouloir toucher les étoiles, on oublie le reste. Viens, on abandonne l'hôtel, nos angoisses et nos peurs. On pourrait se réinventer, écrire une nouvelle page. On serait liberté, liberté, liberté. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Je me sens moins que dans tes bras. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Tout oublier. Emmène-moi tout en haut, ne m'emmène jamais tout en bas. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Tout oublier. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Je me sens moins. J'ai qu'une envie, c'est tout oublier. Voilà, on vient d'écouter donc le tout dernier. C'est reparti, nouveau, je l'aime tellement qu'elle est repartie une deuxième. D'accord. Le tout nouveau single de Maï, voilà. Alors, juste avant, j'en profite pour faire un petit bonjour, j'ai oublié tout à l'heure, à monsieur Alain Redner. Oui. Un journaliste, c'est bien ça. Parce qu'il a eu la gentillesse de partager notre publication. Oui. Donc on lui fait un petit coucou de voilà. Un journaliste d'Actu Vosges, oui. D'Actu Vosges, voilà. Donc ce single, Maï, et qui est accompagné aussi d'un clip. Oui. Tout à fait, c'est alors ça. Alors ce clip là, moi quand je dis quelque chose, c'est ça, c'est vrai. Si je pense pas, je dis rien. Mais non, mais c'est vrai, hein, Lia, tu me connais. Pourquoi tu rigoles? J'en connais quelqu'un qui doit rigoler aussi derrière, qui nous écoute. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est un très beau clip. Moi, j'ai bien aimé. C'est, je trouve que c'est chaud. Enfin, d'après les couleurs, d'après. Puis ce style, bon, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Ce style, je trouve un petit peu vintage. Je sais pas. C'est ça. Hein, Tu peux nous dire, Maé, donc comment s'est déroulé, enfin comment vous avez tourné ce clip, où vous l'avez tourné, comment ça s'est passé. Si je suis pas trop. Oui. Ah bah non, avec plaisir. déjà, il faut savoir que c'était pas prévu que je fasse un clip. C'était prévu que je sorte juste mes sons sur les plateformes de téléchargement. Et au final, on a eu une proposition pour un clip un mois et demi à l'avance. En fait, on a tourné le clip à Nice en octobre, début octobre. Et voilà, ça s'est fait sur tout, 2-3 jours. Ouais, tout était tourné à Nice. Tout à Nice, oui, tout à fait. Un hôtel, ils avaient trouvé un hôtel sur Nice. Bon, avant, ils m'ont envoyé des idées. Oui. On s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait transmettre visuellement. Donc sur le décor, les tenues, parce qu'il fallait aussi que moi, je trouve les tenues. Oui. donc voilà. Et ils m'ont envoyé des idées, des images, le visuel, pour que je puisse me rendre compte un petit peu de ce qu'on allait transmettre musicalement, ouais. Mais surtout visuellement. Visuellement, du coup, ouais. Là. Je dirais la photo que tu m'as envoyée, qui est la en fait la pochette, enfin j'irai la pochette peut-être je sais pas, oui. D'un futur EP. Je sais pas, on en parle. Voilà, mais je veux dire c'est beau, quoi. Je veux dire c'est elle est belle, cette, moi je la vois bien enfin c'est ça que je voulais dire, moi je la vois bien en pochette de CD. Enfin, c'est pour le non P. Non mais pardon, pour le P, ouais. Je sais pas où, non mais voilà, c'est mon avis, hein, je donne. T'as déjà un agent? Merci. Parce que je sens qu'il est chaud là. En même temps, tu peux pas faire de photos pas belle avec une jeune femme aussi. Ah bah non, pas du tout. Non mais je donnais mon ressenti. Je trouvais que ça ferait une belle pochette. Non mais oui. Voilà, tout à l'heure je parlais un petit peu de choses vintage. C'est vrai, sur la photo on voit un téléphone ancien derrière. Je crois que t'as une petite lampe. Enfin, c'est pour ça que je disais c'est atmosphérique. Voilà. Voilà. C'est vrai que toutes mais ces je idées. Je ne dis pas ça pour ça. C'est un avis comme ça. Mais c'est surtout Brice qui a eu les idées avec les réalisateurs, bien entendu. Mmh. Et après, ils m'ont envoyé ça par mail et j'ai fait un retour. J'ai eu plusieurs fois au téléphone, forcément. Et puis voilà, on a validé les décors, les tenues, la lumière, tout ça. Mais voilà. C'est une très belle chanson, en tout cas, elle reste dans la tête. Oui, c'est un futur tube, ça. Moi, j'ai... Ah oui, puis un très beau clip. C'est mon tout premier c'est bébé. Du beau travail. Oui. Ça doit être incroyable, quand même, de produire sa propre chanson, de pouvoir chanter enfin, faire un clip, un vrai projet autour d'une chanson à soi. C'est déjà incroyable, je pense, de la créer. Et je pense que c'est surtout incroyable aussi de l'offrir aux gens. Je dirais. Et au début, c'est stressant. Au début, moi, j'étais devant mon ordi, je tremblais. Ça va plaire, ça va pas plaire. On se pose beaucoup de questions, quoi. C'est normal, une petite appréhension quand même. Mais si j'avais aucune appréhension, c'est que ça me tenait pas à cœur. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est une très belle chanson que vous retrouverez très prochainement sur les ondes de Radio Guémozo parce qu'on a très envie de t'encourager. Je pense que t'auras pas besoin de nous très longtemps, mais on le fera quand même. C'est gentil, en tout cas. Merci beaucoup. Il m'a confié en aparté que le single est sorti le jour de ton anniversaire. Oui, c'est bien ça. J'ai voulu sortir le 23 décembre. Je pense que c'est une bonne... Puis c'était avant les fêtes, donc c'était cool. Ça va apporter quelque chose, je pense. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe quel artiste, ça serait lequel ? Ah, cette question, elle est horrible. Mais il y en a tellement. Un artiste français ? Vivant, mort, français ou pas. Si tout était possible, avec qui tu chanterais ? Ah, c'est trop compliqué. Il y en a plein. Je dirais Vianney. Il y a qui? Amel Bent. J'aime bien Amel Bent. C'est trop compliqué. Ah, tu nous diras ça la prochaine fois. La prochaine fois, sinon je vais mettre trop longtemps. Mais sinon, il y a Bruno Mars. Eh oui. Bruno Mars. Et voilà. Et avec Brice, tu prévois de faire un duo peut-être? C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé parce qu'on bosse tellement en studio et tout, mais pourquoi pas? En tout cas, ce serait cool. Moi, je dirais pas non. Un très grand artiste. Très grand artiste. Et d'ailleurs, il a sorti également son dernier single. Eh ben, c'est bon à savoir. Donc, c'est comment rêver. Donc voilà, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sur YouTube. On va voir ça. Moi, il est en boucle dans ma playlist. C'est cool. Cet artiste-là. C'est vrai? Ah oui, je l'adore. Génial. Alors tu parlais, Maïe, d'être contente d'avoir fait ce single, de le présenter, le clip, etc. Mais tu verras le jour où tu vas sortir. Je vais pas faire producteur. Le jour où tu vas sortir ton EP, tu vas voir, c'est encore quelque chose de spécial. Oui, c'est le... Tu vas pouvoir aussi offrir. Après pour voilà, ça sera aussi c'est une belle clair. Chose aussi. C'est... Voilà. C'est incroyable. Alors Maïe, je veux pas te prendre, comment je veux dire, je veux pas te prendre au dépourvu, mais je veux dire, on en a parlé un petit peu en aparté. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite chanson quelques instants a cappella? Mais avec plaisir. Alors par contre, c'est vrai que du coup, j'ai rien préparé, donc je sais même pas quelle chanson. Oui, parce qu'on en a parlé en aparté tout à l'heure, mais voilà. Je sais pas, vous voulez que je chante quoi? Ce que tu veux, ce que tu... J'ai regardé. Ouais, ok, d'accord. On te laisse regarder quelques instants, va papoter pendant ce temps-là. Vas-y, regarde tranquillement. Du coup, cette chanson que tu viens de nous faire écouter, Gilou, donc de Maïe, Oublié, eh bien, ce clip est disponible sur YouTube. Vous pouvez retrouver cet artiste sur Facebook, Instagram et tous ses réseaux. On encourage vivement les gens à aller voir pendant qu'ils nous écoutent cet artiste et tout ce qu'elle propose et son univers, qu'on espère. Et puis on est content de... Mais ouais, on est content. De recevoir Maïe qui habite tout proche de chez nous, qui est de notre région. Mais on a des grands talents ici. Bien sûr. J'espère que quand je ferai le festival Guémozo, tu viendras. Ah oui, ça serait bien ça. Oui, c'est pas une bêtise, c'est une réalité. C'est sérieux, oui. Elle demandera trop cher dans 2 ans, on n'aura plus de budget. Il faut faire un truc avant. T'as trouvé? Oui, c'est bon. Okay. Du coup, je mets la musique ou... Je ne sais pas si tu peux le faire a cappella, parce que bon, c'est vrai qu'avec Maïe, on avait parlé, mais elle n'a pas eu le temps qu'elle nous amène une bande-son pour faire... c'est vrai qu'elle a été prise aussi. Bien sûr. Donc voilà, si tu veux faire... Oui, je sais pas ça marche. On peut faire avec le micro, mais je pense que... Un petit extrait quelques notes. Quelques notes, oui. Alors, je regarde. Du coup, cette émission, elle sera podcastée très prochainement sur nos réseaux. Elle sera aussi rediffusée dimanche. À 18h pour ceux qui en auraient manqué un bout ou qui auraient envie de réécouter. Et puis, encore il y aura bien sûr, comme tu disais, le podcast, comme ça, on pourra repartager avec eux. Oui. Voilà, avec Brice. Avec Brice, C'est bon? C'est bon, let's go. Là, je chante maintenant. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir? Avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est magnifique. Moi, j'ai des frissons. Ah oui. Non, sérieusement. Moi aussi. C'est pas des blagues. Oui, c'est oui. Peu, je crois grisier à la fin. Pardon. C'est pas grave. C'est pas de ta faute, c'est la nôtre. Non, mais c'est vrai. Que... C'est une chanson de Camille Lelouch. Ne me jugez pas. Eh oui. Je la trouve super belle. Ouais, c'est une belle artiste aussi. Ah oui. Voilà. Bravo. Incroyable. Merci beaucoup. Ouais. Je me souviens dans notre première émission, je t'avais dit, il me semblait que tu avais des petites intonations de Lara Fabian. Ah c'est oui, vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Bah oui, je sais pas. Mais non, est-ce que... À cette époque-là, il me semble peut-être que... Peut-être dans les graves, je sais pas. Je trouve que tu avais une petite intonation de Lara Fabian, peut-être dans les... Oui, comme tu dis, dans les graves et tout. Et puis elle passe des graves aux aigus aussi. Oui, bien sûr, c'est... Bravo, écoute, et puis merci pour... Un grand merci chanson. À vous, c'était un... Plaisir. Non, mais c'est avec plaisir que l'on t'a reçu. Voilà, oui, pour tu es la bienvenue quand tu veux. Bien sûr. Alors, moi, j'avais encore une petite question. Ah. On m'appelle toujours inspecteur Gilou. Ah, bien. Non, mais je veux dire, voilà. Donc, le single, le clip, les projets. Les projets, un EP, 4 titres. Tout à fait. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, l'EP se prépare tranquillement. Ouais. Donc voilà, je vais bientôt retourner en studio. Oui. Et voilà, on verra bien la suite. Ouais. On se projette à quel moment pour l'EP, je veux dire Franchement, je ne peux pas vous donner la date. Non, parce que je ne sais pas du tout. Oui, bien sûr, je pourrais vous la donner, je vous la donnerai. Fais-nous signe, en tout cas, dès qu'il sort. Je pourrais le sortir demain, je le ferai. Mais on reste. On va rester en contact, bien sûr. Oui. Et puis dès que c'est prêt, on refait une petite émission ensemble. Avec grand plaisir. Pour faire découvrir cette EP. Il n'y a pas de problème. Super. Voilà, merci Maë d'avoir été merci à vous. Avec nous. On a fait le tour, je pense. On a reparlé un petit peu toute ta carrière, etc. Yes. On pourra en faire cette des belle heures, chanson. Je crois. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Merci Lia. Mais merci en tout cas à toi Gilou d'avoir invité Maë. Moi j'étais. Mais non, mais écoute, comme on le disait, c'était normal. Hein. On est une belle artiste dans notre région. On n'allait pas. T'en vas pas trop loin, surtout. Hein. On veut te garder encore un petit peu. D'accord. Voilà, mes auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Bonne soirée à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la semaine prochaine. Eh oui, à la semaine prochaine. Merci. Comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour. Ça ira mieux, ça va toujours. Ça va toujours. Sors par la fenêtre. Va danser le soir.